Quel horizon pour la vie en ville? Comment construire les nouvelles urbanités? The Urban, un podcast qui interroge notre rapport à la ville et nos modes de vie urbains en allant à la rencontre de leurs grands penseurs. Une série d'entretiens exclusifs, de chroniques et reportages à travers le monde à découvrir sur toutes les plateformes de podcast et sur gessina.fr. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Violée, une histoire de domination, une série de Clémence Alzar, réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a des statistiques implacables. 22 900 personnes violées en 2019. La certitude qu'il y a autre chose à dire sur le viol et sur ce qui arrive après, y compris à travers un livre, un film ou un documentaire. La certitude qu'il y a autre chose à dire sur le viol et sur ce qui arrive après, y compris à travers un livre, un film ou un documentaire. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice qui trouve les mots, un homme qui a cherché les siens, une écrivaine qui était une jeune fille, une réalisatrice qui a dansé son histoire, une autrice qui veut des nouveaux mots et une réalisatrice qui change de point de vue. Ensuite le décor, des bandes-sons, des cris, l'année 1958, des écrans, des caméras, des dispositifs, des carnets, le Maroc, la violence et le silence. Aujourd'hui, troisième épisode, on tente un récit et si on a les oreilles sensibles, on s'éloigne du poste. Quand moi j'écris, il y a vraiment ce truc en tout cas où c'était le seul espace où je pouvais... Justement, c'est la page blanche, elle t'écoute quoi. Et c'est un espace où je peux raconter ce qui s'est passé, où je peux raconter mon histoire, où je reprends le jeu. Où je raconte ce que je veux, pour plus être dedans quoi, je sais pas comment dire. Et pour les autres, moi c'était le point de départ de ma survie, ou je sais pas comment dire, de ce qui fait que en fait, j'en suis pas morte. C'est les films, c'est les séries... réalisé par des femmes, c'est les livres, ces autrices-là, en nous écrivant, elles viennent un peu déraciner tout ça, quoi, et proposer autre chose. Violée, une histoire de domination, par Clémence Alzar et Séverine Cassard. Prendre le pouvoir sur les récits. Taxi ! Les représentations souvent qui me repoussent ou qui me posent problème ou qui vont me mettre dans un état de colère, c'est des représentations que je considère très voyeuristes. Par exemple, une, je pense qu'on a beaucoup en tête, c'est la scène de viol d'irréversible, que je trouve très peu nécessaire au final. Marcia Burnier, militante, autrice. Et des fois, je me demande dans ces représentations-là, qui sont soit très longues, soit très détaillées dans des romans par exemple, à qui elles s'adressent. En fait, c'est des représentations qui, de fait, excluent une énorme partie de la population parce que elles ont l'air de s'adresser à des gens qui n'ont pas idée de ce que ça peut être le viol et pour qui on serait obligé de représenter quelque chose de très long, très descriptif, très très violent, pour qu'ils puissent potentiellement avoir de l'empathie pour la personne qui est en train d'être agressée. Je pense que des fois les représentations sont un petit peu trop ponctuelles. On a une victime, on la voit, elle est violée dans un parking, ça arrive, voilà, et puis en fait c'est pas vraiment traité tout ce qui va être redéfini ensuite dans sa vie. Déraciner tout cela, dit Mathilde. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Une expression née dans les années 70 au sein du mouvement féministe américain pour décrire les valeurs, traditions, croyances et représentations qui minimisent, esthétisent, mythifient les violences sexuelles. Les références littéraires, cinématographiques, picturales au viol sont légion, mais éloignées de ces réalités, contribuant même à les dissimuler. Un malentendu entre deux partenaires. Une pulsion sexuelle exercée au hasard d'un parking souterrain. Ou encore, la femme forcée qui aime peut-être ça au fond. Dans King Kong Theory, Despentes prend le contre-pied de cette culture. Le viol est une organisation politique. La jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Mais elle écrit aussi. Les premières années après le viol, surprise pénible. Les livres ne pourront rien pour moi. Ce trauma crucial, fondamental, définition première de la féminité, ce trauma-là n'entrait pas en littérature. Il a fallu attendre ces dernières années et l'explosion des séries pour que le viol soit raconté du point de vue des victimes dans des œuvres grand public. Unbelievable, I May Destroy You, La Servante Écarlate ou encore Big Little Lies sur le viol conjugal. Des femmes aux manettes, une pluralité de récits et de propositions esthétiques. à rebours des films dits de Rape and Revenge, films d'exploitation populaire des années 70, où les viols des femmes et leur vengeance sont surtout la mise en scène de fantasmes masculins, Coralie Farja réalise Revenge, un huis clos dans le désert dans lequel Jen, son héroïne, riposte. La Lolita violée se lance dans une traque de longue haleine pour se venger de son violeur et de ses complices. Pour moi, c'était la renaissance d'un personnage, en fait, qui en fait décide de sortir de la case qu'on lui attribue et de prendre sa place sur Terre, de prendre sa place dans notre société, les deux pieds plantés, avec personne qui l'aide. Et surtout, elle n'a plus besoin de demander l'autorisation, la permission, de savoir ce qu'on va en penser. Parce qu'au début du film, elle est très soumise au regard des autres. Elle dit qu'elle veut aller à Los Angeles pour être repérée. Enfin, voilà. Et là, en fait, elle décide de se repérer toute seule. Enfin, elle décide de s'ancrer et de se donner sa propre valeur sans attendre ni dépendre d'une validation extérieure et d'une validation masculine. Stop. Richard will be back anytime soon. Oh, Richard. Tu vois pas qu'on est occupé? Alors si tu veux en profiter, tu entres, sinon tu te casses et tu fermes la porte. Dès l'écriture, c'est vrai que je voulais à la fois une scène qui soit très violente, qui soit comme ça une sorte de cristallisation de toutes les violences qui lui tombent dessus. Et en même temps, je voulais absolument pas qu'elle puisse être exploitative, entre guillemets, ou... En fait, j'ai pas ressenti le besoin de la filmer de manière explicite pour qu'elle soit violente. Et quelque part... Je n'avais pas besoin de filmer l'acte en lui-même, en fait, pour le rendre violent. Et ce qui m'intéressait, c'était par contre de faire passer la violence autrement, à la fois visuellement, parce qu'on voilà, on a cette main qui tape contre la vitre, on a ce décalage entre l'autre qui va sauter dans la piscine avec le son qui est très dur, et aussi le son et le hors-champ, pour moi, en fait, pouvaient rendre... d'autant plus insoutenable la scène. Mais en fait, je pense que ça va avec la globalité du film que j'ai voulu vraiment comme un récit symbolique, cathartique, qui n'est pas ancré dans le réalisme. Et c'est vrai que par rapport à là où je voulais aller, ce que je voulais raconter, le genre de film que je voulais faire, pour moi, c'était le meilleur choix, en fait, de laisser presque cette scène hors champ en lui donnant une violence d'autant plus, quelque part, dérangeante. La violence dans mon film, moi, je l'ai utilisée vraiment de manière symbolique, en fait. Alors, en y allant complètement, hein, mais pour dire que moi, je ne voulais pas que, premièrement, mon personnage y crie de douleur, parce que c'est vrai que dans ces films d'horreur, etc., c'est la screaming queen, enfin voilà, l'héroïne qui hurle pendant tout le film, voilà, qu'on torture. Et moi, je voulais pas du tout de ça. Mais je voulais un personnage qui reprenne pied et surtout qui ne se taisait pas. C'est-à-dire, tout le monde essaye d'enterrer ce qui lui est arrivé et elle va dire non, ça a existé, c'est là. Et dans mon film, le symbolisme, elle prend son fusil à pompe et elle va défoncer tout le monde. Mais pour moi, c'était vraiment une manière symbolique de dire, bon, maintenant, on ne se tait plus. On est là, il va falloir écouter, il va falloir se confronter à ça. Elle dit, vous ne pourrez plus jamais m'effacer. Et voilà, et la symbolique du action movie avec ce côté très flingue, sang, etc., était une manière, on va dire, un peu pop de dire ça et de le symboliser, quoi. Odette ? Odette ? Bah alors, ma chérie, tu rêves ? Tu viens, on se dépêche, on n'a pas beaucoup de temps. Mon papa, il va venir. Mais non, Ton papa, il va pas venir, il est à la piscine avec les autres. Par contre, il faut se dépêcher. Non. Non. Même je croyais que t'aimais ça, les chatouilles. Mais si t'aimais pas, tu me l'aurais dit, non? Bon. Je suis un petit peu déçu, Odette. Ça me fait beaucoup de peine, ce que tu me dis là. Je suis triste. Allez, viens. Ça durera pas longtemps. On se dépêche. Viens, on abuse. Andrea Bescon, danseuse, metteuse en scène, co-réalisatrice avec Éric Métayer du film Les Chatouilles. D'abord, on n'avait pas envie que des pervers puissent s'exciter sur des images. Déjà, c'est la base. De mettre en avant le fléau de la pédocriminalité, mais sans la montrer dans les actes des viols. Et puis, on ne voulait pas replonger les victimes aussi qui verraient ce spectacle et ce film dans la violence physique qui est engendrée. Déjà que psychologiquement, c'est très, très compliqué. Donc non, ça nous intéressait pas. Et puis en plus de ça, bon, moi dans le spectacle je jouais. Aujourd'hui c'est Déborah Moreau qui joue, mais dans le film c'est Cyril Mérès, une jeune actrice de 9 ans à l'époque qui interprétait le rôle d'Odette. Donc forcément, il était aucunement question une seconde de traumatiser cet enfant. Et donc tout a été fait dans l'évocation, en effet, plutôt dans le regard et dans la détresse du regard. Que dans l'action elle-même de dénuder un enfant et de lui infliger des caresses ou des violences diverses. Dans votre film et dans votre spectacle, vous vous situez aussi dans l'après-viol, dans la reconstruction, dans ce par quoi on passe à la fois quand on se souvient et puis quand ça va pas aussi. Ouais. C'était important de montrer justement ces étapes-là, ces phases-là du trauma et de la reconstruction. Ah oui, bah, je crois que c'était vraiment mon point de vue à la base. D'abord, j'étais en recherche moi-même, on va pas se mentir. Donc quand j'écris tout ça, bah, c'était aussi une observation de ma propre reconstruction et puis toutes ces conséquences psychotraumatiques que j'ai pu subir. Je sais aujourd'hui que c'est un spectre très très large. Moi, je suis passée par des étapes que d'autres personnes ayant été victimes dans l'enfance de violences ont passé par d'autres étapes que celle-ci. Et c'est Muriel Salmona qui explique ça très bien, la psychiatre, qui explique très très bien la largeur en fait du spectre des conséquences psychotraumatiques. Moi, j'ai vachement plongé dans la drogue, l'alcool, une espèce de fuite en avant constante, dans une énergie constante de produire, faire et puis fuir. Il y a d'autres personnes qui vont s'enfermer chez elles, soit carrément se sécher autour de ces eaux et perdre toute substance physique, ou au contraire gonfler comme une espèce de protection. On a des troubles alimentaires, le spectre est dingue, je veux dire, c'est assez hallucinant. On peut développer des maladies somatisées, il y a énormément de cancers aujourd'hui de l'utérus. Et des testicules qui sont dus à des violences sexuelles dans l'enfance, donc c'est assez terrible, quoi. Voilà, là c'est ça. Là c'est ça. Fou. Et la danse, quand même. Wow. Vous utilisez la danse comme moyen d'expression aussi de ces violences qui permet peut-être aussi de pas dénoncé par, effectivement, montrer des images, en tout cas, explicites. Oui, ouais, tout à fait. C'est, d'abord, effectivement, c'est l'expression d'une colère. Et puis parce que dans mon histoire personnelle, ben, j'avais pas les mots, en fait. J'ai pu exprimer ma douleur par le corps et j'ai eu la chance d'avoir cette passion qu'est la danse et d'avoir pu... Je l'ai souvent dit et je le répète, mais... C'était aussi une façon de me réapproprier un corps qui avait été souillé, détruit, un peu, enfin, désintégré. Et quand je dis désintégré, c'est dans mon intégrité, la perte de cette intégrité, de cette innocence, qui est vraiment la pire des choses à surmonter, je crois. C'est de se dire, bah, en fait, je suis tellement sale. Alors que, bah, évidemment non. C'est l'agresseur qui est sale, c'est pas la victime, mais de danser, ça m'a permis de mettre des mots qui ne pouvaient pas sortir par le vocal, par la voix. Et heureusement, je pense que j'avais ça, puisque, à mon avis, j'aurais somatisé un truc vraiment pas cool, en fait, si j'avais pas eu la chance de m'exprimer avec la danse. Mathilde Forget. Il y a aussi ce texte-là, oui. Ah là là, ce texte de Leonora Miano, écrit pour La Parole. Leonora Miano, qui est une romancière. Il est sorti en 2012, ce texte, et c'est plein de différents textes qui sont censés être lus à voix haute. Et il y en a un qui s'intitule « On ne se fait pas ». Assez d'entendre ça. Partout, tout le temps, c'est d'une violence insoutenable, incroyable qu'on entende ça partout, tout le temps. Même les bouches autorisées, militantes, affligées, compatissantes, expulsent ce crachat. Partout, tout le temps, comme si les mots n'avaient pas de sens, comme s'il était possible d'exprimer les choses n'importe comment, comme si la vérité allait de soi, comme s'il n'était pas utile de l'énoncer clairement, sans équivoque, dire une fois pour toutes, et qu'on l'entende une fois pour toutes, qu'on l'imprime une fois pour toutes, que non, non, on ne se fait pas, on ne se fait pas violer. On ne se fait pas. On ne se fait pas. On ne se fait pas violer, on est violé. On est, on est. On est violé, on ne fait rien. On est, c'est l'autre qui fait le viol. C'est l'autre qui le fait. Personne, jamais, ni dans la brousse, ni dans les buildings, ni dans les champs, ni dans le métro, ni dans la savane, ni sous les porches, ni après un premier dîner, ni même chez soi, dans aucun des cas précisément parce qu'il n'en est pas question, personne jamais ne se fait violer. Hey ! 1950, outrage d'Ida Lupino. Dans ce long métrage, la cinéaste pionnière filme le viol du point de vue de la victime héroïne, Anne, et aborde frontalement l'après, la reconstruction entre stress post-traumatique et culture patriarcale. When did you first notice the man following you? When did you first notice him? I kept walking. Faster and faster. Couldn't get away. I couldn't get away. What did he look like? Can you tell me what he looked like? I never saw his face. Only the scar on his neck. The leather jacket kept moving closer. I couldn't move. I couldn't move. How tall was he, dear? Take him away! Please. No more. Get Dr. Hoffman. Putain, merde, tu as bougé ton cul un peu? Mais qu'est-ce que tu crois que t'as entre les jambes, connard? Dégoûte, j'ai même plus envie. 2000, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Le film met en scène les tueries et les partouzes de Nadine et Manu, victimes héroïnes, elles aussi, bien décidées à ne plus subir. À la suite d'une vive polémique, il sera interdit en salle et classé X. Pour être finalement interdit aux moins de 18 ans. Comment t'as pu faire ça? Allez, c'est rien à côté de ce qu'ils peuvent faire. On a encore en vie, non? Comment tu peux dire ça? Je peux dire ça parce que j'en ai rien à foutre de leurs pauvres bites de branleurs. J'en ai pris d'autres dans le ventre et que je les emmerde. C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Hein. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y entrer, j'ai rien laissé de précieux. C'est jamais qu'un coup de queue quand on est jamais que des filles. Tu vas voir, maintenant ça va aller. Tais-toi ! Nous étions mercredi, la mort m'avait choisi. Elle avançait vers moi, elle me voyait très bien, très très bien. J'avançais vers elle, mais je ne la voyais pas. Trois garçons sont venus à moi, ils étaient tout d'un coup devant moi. Et eux aussi, ils étaient pieds nus. Ils m'ont salué ainsi. « Salut Layla, tu vas bien Layla ?» Je savais ce qu'ils voulaient, je savais ce qui m'attendait, mais je ne savais pas quoi faire. Ils étaient plus grands que moi. L'un d'entre eux était beau, arrogant, légèrement barbu. C'est lui qui parlait, c'est lui qui voulait. et c'est lui qui commandait. C'est lui qui m'a dit « Tu as un joli cul ». Et aussitôt, il s'est rapproché de moi, très près de moi, et il a mis une main sur mon épaule, et de l'autre, il a commencé à palper mes fesses. Il tremblait un peu, il hésitait, mais son joli visage montrait au contraire une détermination absolue. J'étais sa proie. Il n'allait pas me lâcher facilement. Soudain, il a dit, un peu agacé, « Où est ton trou ? Tu n'as pas de trou de cul ?» Lui, c'est Chouaïb, le meneur d'une tentative de viol collectif auquel Abdella, 13 ans, échappe. C'est ainsi que s'ouvre le quatrième roman d'Abdella Taïa, Une mélancolie arabe. Nous sommes au Maroc, dans le quartier de Haï Salam, quartier pauvre de Rabat, où l'auteur a grandi. Ce qui est terrible dans la découverte de l'homosexualité, pour ce qui me concerne, c'est que le monde et la société étaient en avance sur moi. Moi, je ne savais pas que je suis homosexuel, mais ça se voyait sur moi visiblement avant même que j'en ai conscience, que j'en prenne conscience. Les gens vous regardent et vous désignent comme tel, donc ils se permettent de vous faire des choses. Donc j'étais, a priori, d'après ce qu'on me raconte, cette petite chose folle, efféminée, qui marchait d'une certaine façon tellement femme que ça attisait les regards, ça excitait les hommes. Et donc du coup, les pauvres, ils n'avaient pas d'autre choix que de mettre la main où il faut sur moi, de mettre un doigt et de mettre un sexe au fond de moi et tout ça. Et à tel point que c'est devenu presque une normalité, quelque chose d'institutionnalisé dans le quartier. Alors évidemment, comme il y a l'interdit de la sexualité d'une manière générale, il faut bien que les pauvres hommes trouvent bien un moyen de sortir leur sperme et de faire qu'ils ne sont pas dans une rage sexuelle. Il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. C'est tombé sur moi. Ce qui complique le plus la chose, c'est que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, il y a comme une curiosité naturelle en nous, vers le monde, vers les autres. Donc on a envie d'aller faire des expériences, on a envie de toucher les autres, on a envie d'être touché, on a envie de renifler, on a envie de suivre des gens et d'être suivi par des gens, de faire des aventures, de voler des fruits dans les villas ou, je sais pas moi, de fabriquer nous-mêmes du miel, alors avec rien parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter du miel. Moi je viens d'un monde très pauvre. Il y a cet instinct de vie qui vous pousse vers les autres et qui vous trahit. Et c'est dans ce chemin-là, et je dirais même dans cette course-là, pour la vie, dans la vie, qu'il se passe toutes ces choses et qu'il rencontre toute cette organisation sociétale, politique, qui le dépasse. Parce qu'on a beau savoir qu'il y a du danger dans la rue, qu'il y a des dangers, même à l'intérieur de la maison, parmi les proches, mais on ne peut pas arrêter cet instinct de vie, cet instinct même de désir et de désir sexuel pour les autres aussi. Est-ce qu'on arrête par exemple pour lui dans une mélancolie arabe, est-ce qu'il arrête de marcher pieds nus dans la rue parce qu'il adore ça? Pour lui c'est ça la vie, mais en vivant il y a tous ces autres qui ne sont pas a priori des monstres déclarés, c'est des copains, c'est des gens qu'il connaît très bien, et que même après qu'il le viole, il continue de les fréquenter. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte et, lâche, a dit « Je ne vais pas te violer tout seul. Nous allons tous te violer. Faire de toi une vraie petite fille. » J'étais de plus en plus dans la peur. Dominé. Faible. Seul. Incapable de me battre. De résister. J'ai capitulé. Il avait gagné. Ils se sont rapprochés de moi en se masturbant. J'étais allongé sur le dos au milieu du lit bleu. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de m'imaginer encore une fois à la piscine. L'eau, le chlore, le plongeoir, la paix, le luxe. Un rêve impossible à l'époque. Je nageais mais dans la peur. Je tremblais, à l'intérieur. Je ne voyais plus les garçons sauvages mais je les sentais venir. Se rapprocher de mon corps. Le renifler, le lécher. Dans un instant le violenter. L'un après l'autre le saigner. Le marquer. Lui retirer une de ses dernières fiertés, le briser. Ils crachaient dans leurs mains, ils riaient, ils ne parlaient pas. Ils étaient tous sur moi, 5. Je reconnaissais parmi eux Chouaïb, j'avais déjà bien enregistré en moi sa peau, sa douceur et sa sécheresse. Il arrive même à leur dire, d'accord, vous voulez me violer, mais violez-moi comme l'homosexuel que je suis et comme l'homosexuel que vous êtes, vous aussi. Au moins que cet acte qui se passe dans une violence inouïe, bah, au moins qu'on soit d'accord sur cette chose. Je ne suis pas Layla, je ne suis pas une femme, je suis comme vous, j'ai un sexe masculin et vous allez me faire telle ou telle chose, mais en tant qu'homme. Et assez paradoxalement, ça marche. Quelque part, c'est ce qui lui permet à un moment donné d'arriver à entrer dans leur cerveau, leur tête, ces garçons-là, et essayer de les manipuler un petit peu et de s'en sortir un petit peu. Et là, vous avez choisi de raconter une tentative, puisque ce petit garçon après est sauvé, entre guillemets, à la fois par le chant du muezzin et par la mère de Ali Shoaib qui l'appelle, et le héros échappe à ce viol collectif. Pourquoi avoir voulu à ce moment-là raconter une tentative ? Parce que je voulais raconter, et je crois que je raconte toujours quelqu'un en action. Quelqu'un qui ne se contente pas d'être dans la soumission, dans la position de la victime. Même quand on est victime de violence, c'est toujours les autres qui vous voient aussi comme tel, c'est-à-dire juste quelqu'un qui a été victime, basta, et c'est presque de sa propre faute, comme si c'est lui qui a mérité ce sort d'être la victime. Je voulais qu'au corps même de ce naufrage, si je peux dire, je voulais que le montrer en action lui aussi. Septembre 2020, Annie Arnaud nous reçoit chez elle, à Cergy, Mathilde Forger et moi. Ensemble, nous convoquons l'héroïne de Mémoire de fille, la jeune monitrice qui débarque à l'été 58 dans l'Orne, dans une colonie de vacances. Colonie dont H est le moniteur-chef. Dire, c'est la première fois qu'elle quitte ses parents. Elle n'est jamais sortie de son trou. Les vacances, elle reste à Ifto, à lire dans le jardin ou dans sa chambre. Enfant unique, couvée, parce que née après une première fille décédée à 6 ans et qu'elle-même a failli mourir du tétanos à 5, le dehors, sans lui être interdit, est objet de crainte pour son père et de suspicion pour sa mère. Elle n'a jamais eu le droit d'aller à une surprise partie. Elle a dansé pour la première fois il y a 3 mois au bal du carnaval sous la tente installée place des Belges, et sa mère la surveillait depuis sa chaise. Dresser la liste de ses ignorances sociales serait interminable. Elle ne s'est pas téléphonée, n'a jamais pris de douche ni de bain. Elle n'a aucune pratique d'autre milieu que le sien, populaire d'origine paysanne, catholique. À cette distance de temps, elle m'apparaît gauche et empruntée, voire mal embouchée, dans une grande insécurité de langage et de manière. Sa vie la plus intense est dans les livres dont elle est avide depuis qu'elle sait lire. C'est par eux et les journaux féminins qu'elle connaît le monde. C'est étrange que vous me fassiez lire ce passage. Non, enfin c'est étrange, c'est que je suppose que vous voulez situer les choses. Oui. Non, je ne l'ai pas. Vous trouvez que ça la situe non, la fille de 58 ça... Ah ben c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. À la fois une noix blanche et voilà, c'est ça. Ignorante du monde, oui. Annie Arnaud, ensemble, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on essaie de retrouver encore la fille de 58. Je sais que quand vous écrivez ce roman, Mémoire de fille, c'est en 2014, je crois, que vous l'écrivez. Je l'ai écrit écrit réellement, de 2014, effectivement, à 2016. Mais j'y pense depuis 58. Voilà. Vous écrivez, c'est le texte toujours manquant, toujours remis, le trou inqualifiable. Oui, parce que comment saisir ça ? Il y a la distance du temps, de l'époque, et la chape d'oubli que j'ai mis dessus. Au début de ce roman, justement, pour essayer de retrouver la fille de 58, vous dites qu'il faudrait que je sois Annie Duchesne pour le maintien de l'Algérie française, que oui. Vous n'ayez lu ni Wolf ni Beauvoir. Et c'est ce que vous dites, il faut essayer de se retrouver dans cet état. antérieure aussi à vos lectures féministes. Et ça, et effectivement, c'est le plus difficile. C'est de porter ce, d'essayer de retrouver. Parce que c'est retrouver pourquoi, pourquoi j'ai accepté. J'écris avant MeToo, hein, il faut bien penser à ça. Et pourquoi j'ai accepté tout cela? Pourquoi, je vais employer le terme à un moment dans le texte, consenti. Ce terme consentir va devenir effectivement depuis MeToo vraiment le verbe clé de ça. Pourquoi? Pourquoi? Et voilà, c'est ça ma question. Oui. On lit vos hésitations parce que quand vous écrivez, par exemple, ni soumission, ni consentement, simplement l'effarement du réel, oui. J'ai l'impression, moi, de lire vos... une tentative de description et de nommer, justement, aussi. C'est ça, c'est une tentative, absolument. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de... Voilà, je n'ai pas une impression de soumission. Mais, en fait... Il est le maître du jeu, je ne connais pas la suite. Parce que tout simplement, c'est la toute première fois, hein, la chanson, ma toute première fois, c'est la toute première fois. Et donc, je ne sais pas. Pour moi, il n'y avait au départ, en sortant dehors, en dehors de la salle où on danse, en sortant au dehors, je n'ai l'idée que simplement, on va s'embrasser. Et... En réalité, il est en train de m'emmener dans une chambre, c'est ça. Mais je ne le sais pas, je ne le devine pas. Et lorsque il me dit « déshabille-toi », ça y est, je suis, j'obéis. Voilà, je ne sais pas, mais j'obéis. D'abord, il fait nuit, enfin, dans la chambre, il fait nuit. Et de le trouver, effectivement, c'est horrible. D'être nue, d'avoir froid en même temps, je me souviens très bien de la sensation de froid, et d'avoir un corps d'homme, parce qu'il est très grand, il est grand, il est fort, etc. Et un sexe que je juge monstrueux, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de monstrueux. Et effectivement, ce corps masculin, c'est vrai que c'est un choc. Et c'est vrai que toujours les images me sont venues, sont des images bestiales. C'est ça, ce sont des images bestiales. Mais en fait, ce n'est pas le corps masculin qui est bestial, c'est l'attitude. C'était effectivement, voilà, c'est la prédation, voilà, d'être une proie et de subir cette loi, c'est vrai que ce terme que j'ai employé, effectivement, cette loi me ramenait, enfin, je ne sais pas où ça me ramenait, mais c'était, il n'y avait plus de morale, plus de... Oui, et toujours, c'est ce terme sauvagerie qui m'est revenu, toujours, cette loi, que c'était sale, c'était dégoûtant, voilà, c'est ça, oui. Il force. Elle a mal. Elle dit qu'elle est vierge comme une défense et une explication. Elle crie. Il la houspille. J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules. Elle voudrait être ailleurs, mais elle ne part pas. Elle a froid. Elle pourrait se lever, rallumer, lui dire de se rhabiller et de s'en aller. Ou elle, se rhabiller, le planter là et retourner à la surpatte. Elle aurait pu. La suite se déroule comme un film X, où la partenaire de l'homme est à contre-temps. Ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne connaît pas la suite. Lui seul en est le maître. Il a toujours un temps d'avance. Il la fait glisser au bas de son ventre, la bouche sur sa queue. Elle reçoit aussitôt la déflagration de sperme qui l'éclabousse jusque dans les narines. Il n'y a pas plus de 5 minutes qu'ils sont entrés dans la chambre. Et c'est très complexe parce que non seulement on peut employer, je l'accepte là, le terme de viol, mais je ne l'ai pas appelé un viol. D'autre part, je suis tombée amoureuse du type qui m'a violée. C'est terrible, c'est terrible. C'est ça l'horreur, voilà, d'une certaine façon, mais bien sûr à distance. Vous employez des termes très forts parce que vous écrivez « Samedi 16 août 1958, c'est la dernière fois que j'ai mon corps ». Alors là, il y a une question d'époque, une question sociale, c'est-à-dire que je vais avoir 18 ans, mais je n'ai fait que flirter, c'est-à-dire embrasser un garçon et quelques petites caresses par-dessus les vêtements. Donc, il y a ce corps qui est resté à moi, et d'un seul coup, c'est un corps brutalisé, c'est un corps forcé, c'est un corps sali, mais sali, vraiment, Et malgré tout cela, il y aura cette idée, ça doit être comme ça. C'est au fond, cette sauvagerie, j'emploie ce terme parce que c'est vraiment ça. Je découvre que dans ma tête, les hommes sont sauvages. Donc c'est toute la domination masculine qui passe en fait par le pénis, hein, on veut dire. Je me suis souvenue là d'un livre que j'avais reçu en prix dans ma boîte religieuse, qui s'appelait « Toi qui deviens femme déjà », et qui était à l'usage des adolescentes. Et il y avait une phrase que j'ai toujours retenue, c'était que les garçons, il fallait pas aller avec eux, bien sûr, mais il fallait pas, pourquoi ? Parce qu'ils avaient un mouvement de leur corps, un mouvement physique, attendez, qui les surprenait. C'est-à-dire dont il n'était absolument pas responsable. Et donc, il ne fallait pas se mettre en danger avec ça, vous voyez ? Leur pulsion. Leur pulsion, c'est ça. Les hommes ont des pulsions. Et je pense que j'ai vécu longtemps sur cette idée de la pulsion. Et je crois qu'elle est encore répandue. Et c'est ce qui me motive à accepter une partie du consentement, c'est ce sentiment que c'est inéluctable pour que, voilà, que c'est cette sauvagerie, ils n'en sont pas responsables. Et puis que vous n'allez pas l'abandonner ce que vous avez produit de désir en lui. C'est important, c'est très important. D'ailleurs, je suis fautive au fond. Je suis là avec mes seins, mon sexe, et donc je produis cet effet sur lui. Je ne peux pas l'abandonner. C'est vraiment une pensée, une sensation dont je suis absolument certaine. C'est des choses. Alors, c'est en écrivant pas à pas que je retrouve, que j'ai retrouvé tout cela. Et avec un coefficient, c'est ça, le coefficient de certitude, ce que j'appelle quand j'écris, moi, c'est le coefficient de certitude et coefficient de vérité. Voilà, c'est ça. Alors, c'est là où il entre quand même quelque chose d'important, c'est que c'est le moniteur-chef. Voilà. Et c'est là où on arrive à la domination. Il n'est pas un garçon comme les autres. Il est un peu plus vieux que les autres. Et j'insiste sur moniteur-chef. Alors après, il a eu du mépris pour moi, puisque effectivement, je n'ai cherché qu'une chose, c'est de le retrouver. Mais voilà, je suis devant un bloc je ne peux pas comprendre ce que un garçon de 22 ans force une fille. Et puis... ce qu'il peut penser, ce qu'il peut éprouver. Et parce qu'il ne dit pas, il n'emploie pas de mots d'amour, il ne... rien. Je crois que la question aussi du fait qu'il reste après, je trouve ça très important pour dire justement, je n'ai pas fait quelque chose de mal, sinon je ne resterai pas. Et dans beaucoup de récits, c'est ça aussi qui marque la femme, c'est qu'en fait il reste, il est là, et que si ça avait vraiment été terrible, ça avait été... Il partirait parce que... Et je pense que là aussi, ça fait partie de l'organisation pour qu'après, on ne sache plus vraiment si... Je crois qu'il y a eu sans doute une méconnaissance tout de même au départ, c'est-à-dire donc H a dû penser que oui, j'étais d'accord pour... en fait, je ne sais pas ce qu'il pensait. Parce que c'est... je reviens toujours à ça. Mais il me semble que au moment où je dis « je suis vierge », c'est trop tard. Il est dans sa violence, il est... Et c'est là, effectivement, qu'on peut parler de viol, puisque ça ne l'arrête absolument pas. Et voilà, c'est certain, hein, c'est certain. Vous lui dites que vous êtes vierge et qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Mais il y a moi aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a les cris de douleur, en fait. Quand même, ah oui. Aussi. Enfin, ça, c'est quand même pas... C'est pas rien, c'est-à-dire il force et vous criez de douleur. Et je crie. Et tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un cri de douleur. Ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça fait mal. Et voilà, il y a aussi ça quand même qui fait partie d'un dialogue. Enfin, en tout cas, vous... Oui, oui. Je crie et il dit « J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules. » Ça, c'est d'une violence inouïe. C'est une phrase d'une violence inouïe. Dans votre bouche, quand vous prononcez ces mots, c'est maintenant, j'en vois l'ampleur de la violence. L'inadmissible, évidemment, aussi. L'inadmissible, et que vous avez raison. Et maintenant, j'ai raison de dire viol. Voilà. Est-ce que vous aviez peur que ce mot viol, il prenne trop de place aussi? C'est-à-dire qu'il a été pour moi associé très longtemps à on ne connaît pas quelqu'un, et voilà, c'est l'inconnu qui surgit et qui viole et qui s'en va. C'est un peu ça. Hein. C'est donc c'est une vision très mythique, en fait. Hein, et c'était pas le cas. Donc voilà, c'était difficile d'associer le mot viol. Ce roman, donc je l'ai écrit il y a très longtemps. Mais j'ai l'impression que je viens à peine de l'écrire parce que cette histoire de violence sexuelle et de viol qui se passe dans le premier chapitre, j'ai l'impression, et pas que l'impression, qu'elle est toujours dans mon corps et qu'elle coule toujours dans ce que je suis. Parce que certes, le Abdellah qui est dans ce livre, il arrive à se sauver lui-même, à ne pas laisser les autres le violer. Mais le vrai de vrai Abdellah qui est moi, Abdellah Taïa dans la vraie vie, n'a toujours pas trouvé la solution pour régler les traces, échapper aux conséquences des viols que j'ai subis donc quand j'étais petit. Donc pour écrire ce livre, pour moi je considère que c'est peut-être le livre le plus important que j'ai écrit. Pour la raison qu'il s'agit de décrire cette chose très importante, qui fait qu'à un moment donné, toute une société, toute l'organisation d'une société se met en branle pour faire tomber un corps. Et quand ce corps il tombe, tout le monde détourne le regard et la violence se passe non pas dans un coin caché, mais en fait au su et au vu de tout le monde. Je voulais parler d'un corps qui tombe. C'était ça le but principal dans ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné que ce corps chute et que, comme on dit dans un proverbe marocain, quand la vache tombe, les coteaux sortent et tout le monde commence à découper. Donc j'avais l'impression que j'étais cette vache qui était tombée, que je suis tombé plusieurs fois. Et il fallait que je raconte cette chute parce qu'à un moment donné, il ne peut plus, lui tout seul, régler toutes les contradictions d'une société, tout ce qu'on demande à cet être et à ce corps. Et qui tente d'avoir le contrôle, de prendre le contrôle sur certaines situations ou en tout cas de... ou une illusion de contrôle, je ne sais pas. Le contrôle, ça c'est tout moi. Voilà. Je ne peux pas vivre depuis que je suis petit garçon et adolescent et que je découvre que je suis homosexuel, que je découvre qu'ils me jettent des pierres et qu'ils me désignent du doigt, qu'ils me font baisser le pantalon, qu'ils me mettent des doigts et des sexes dans mon derrière et toutes ces choses-là. Comment voulez-vous vous en sortir sans cela, sans avoir au moins l'illusion que quoi, d'accord, ils vous font tout ça, mais il faut au moins avoir l'illusion que vous contrôlez je ne sais quoi. Donc j'ai toujours c'est même pas un désir, ce projet que j'applique tous les jours, même ici à Paris, et même ici avec vous, que de ce désir d'être dans, en tout cas je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais je me dis que je suis en contrôle, que je veux contrôler et que je dois contrôler. Alors, j'ai bien conscience aussi, à travers ce que je suis en train de vous dire, que j'ai là la matière extrêmement profonde, extrêmement riche pour faire des livres. Parce que la littérature et l'écriture adorent ça, toutes ces ambiguïtés, ces zones d'ombre, ces non-dits. Et même quand il s'agit de faire des actes d'émancipation, on ne peut pas le faire en étant dans un chemin où tout est noir et blanc. La littérature adore le non-dit, adore les zones grises, adore l'ambiguïté. J'ai souvent l'impression que ma vie que la littérature se sert de moi et de ma vie pour pendre des livres et que moi je ne suis que l'exécutant. Alors je voudrais en venir parce que j'ai pensé ce matin, mais c'est écrit dans le livre de toute façon, c'est que voilà, j'avais besoin de savoir avant de me mettre vraiment à ce livre qu'il était toujours vivant. Toujours. À la fois, j'aurais voulu effectivement qu'il sache que rien n'était oublié. C'est curieux, il y a une lectrice qui m'a dit, après avoir lu, elle a dit « C'est vous qui le violez maintenant en écrivant. » Je ne suis pas sûre. mais quand la formule de MeToo, la honte a changé de camp, moi je la trouve admirable. Admirable, parce que c'est tellement important. Et en écrivant, pour moi, la honte, elle change justement aussi. Elle disparaît. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il sache. Ça me fait quand même penser à Vanessa Springora et le consentement. Oui. Et elle écrit que finalement, en décrivant le système d'emprise et puis en allant sur son terrain à lui, celui de l'écriture, celui de le décrire et de décrire, mais là, de son point de vue à elle allait, elle aussi, l'emprisonner avec ses mots à elle. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que il fallait que je le sache, comment dire, il fallait que je travaille sur du vivant encore. J'avais besoin, oui, j'avais besoin. Et l'écriture, ça a été... c'est sûr que c'était, je dis que c'était le texte toujours manquant, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis heureuse de l'avoir écrit. Voilà, c'est tout. Je suis. C'était quelque chose qui devait être fait. Vous voyez, c'était de dire, mais. Et je pourrais mourir sans avoir écrit ce livre. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais l'écriture permet ça, c'est-à-dire. C'est pas seulement pour soi, c'est ça. C'est de mettre au jour quelque chose qui est, voilà, qui pour moi c'était ça, ce qui était de la réalité d'une fille, d'une question de fille. C'est pour ça que ça s'appelle mémoire de fille. Ce qui arrive, peut arriver aux filles et qui n'arrive pas, ou alors, si, bien sûr, des viols de garçons, bien sûr. Mais disons que la grande majorité, voilà, c'est une affaire de fille, comme on parlait d'avortement, une affaire de femme, quoi, voilà. Mais lorsque j'écris Mémoire de fille, ou lorsque j'écris l'événement sur mon avortement clandestin, il est certain que j'ai conscience d'écrire sur quelque chose qui m'appartient en tant que femme. Et j'y pense, puisque même dans l'événement, à un moment, je dis que ce que j'écris, ça pourra provoquer, et ça l'a fait, du dégoût, etc., parce que c'est justement du féminin, voilà. Mais si je ne le fais pas, je me place du côté de la domination masculine du monde. J'emploie souvent cette expression « mettre au jour », mais « mettre au jour », ça veut dire aussi donner à voir aux autres et donc leur faire ressentir, etc. Et c'est ça qui est important, bien sûr, parce que le texte qui reste... bien sûr que j'avais des textes dans mes tiroirs là-dessus, des bouts, etc., mais ça n'était pas suffisant. Et la NRF a publié, parce qu'elle m'avait demandé un texte, et j'ai dit, je n'ai pas le temps, mais ce que je peux faire, c'est de donner le texte que j'ai écrit... avant une opération importante de hanche que je devais avoir. Et j'avais écrit ce texte parce que j'avais peur de ne pas me réveiller de l'anesthésie. Et donc, il fallait qu'il y ait une trace. Donc, j'ai écrit 6 pages. Au moins, il y avait ces 6 pages qu'ont tout à voir avec Mémoire de fille, mais qui ne c'est pas du tout pareil. J'appelle ça, je crois, une sorte de fait, voilà, rapport de fait. Je rapporte uniquement les faits. C'est pas de l'écriture comme Mémoire de fille avec de chercher, voilà. C'est je fais juste ça. Il fallait que ça reste d'une façon ou d'une autre. Ça pouvait pas disparaître. Ça pouvait pas disparaître. Non, c'est pas simple du tout. Ni le souvenir qu'on garde, ni la réalité telle qu'elle a été ressentie. c'est pas un rêve, c'est vraiment, ce serait un désir effectivement que une phrase puisse contenir au fond toute la contradiction du réel, en fait, c'est ça, de la contradiction dans laquelle on est toujours quand même toujours pris. C'est ça la grande difficulté d'écrire sur des choses qu'on n'invente pas. Et pour moi, c'est ce qui est formidable, qui m'intéresse dans l'écriture. Ça. Pas de raconter une histoire. Vous dites que c'est l'absence de sens de ce que l'on vit au moment où on le vit qui multiplie les possibilités d'écriture. C'est dans ce livre, oui. Parce que c'est tellement vérifié pour moi à propos de ce que j'ai vécu. Voilà. Qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et d'autre part, j'avais le problème des mots, puisque les mots n'ont plus tout à fait le même sens à notre époque. Enfin, ils ne sont même plus les mêmes mots qu'en 1958. Justement, jusqu'à très récemment, vous refusiez le mot viol. Oui. Là, vous l'avez employé, vous l'avez... Oui, alors, je n'employais pas le mot viol dans la mesure où je voulais rester fidèle, d'une certaine manière, à la perception que j'ai eue de cette nuit-là et qui n'était pas, n'a jamais été celle d'un viol. Alors, la phrase de Simone de Beauvoir, « La première nuit, c'est toujours un viol » dans le deuxième sexe, m'avait alertée. Mais en même temps, je ne voulais pas penser de cette façon ce qui avait eu lieu pour moi. Maintenant, en réalité, je l'assume ici, dans cette émission, précisément, parce que je ne peux pas rester dans la perception de la fille de 58, parce que je suis une femme, là, de 2020, et que je dois bien mettre un mot pour mes contemporaines de 2020. Et c'est ce mot-là. C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. C'était violer une histoire de domination. Prendre le pouvoir sur les récits. Avec Mathilde Forger, Marcia Burnier, Coralie Farja, Andréa Bescon, Abdella Taïa et Annie Arnaud. Lecture, Mathilde Forger, Abdella Taïa, Boris Pinault, Annie Arnaud et Sabine Pacora. Prise de son, Christophe Boudin, Arthur Dumont, Christophe Michou et Manon Houssin. Mixage, Éric Boisset. Une série documentaire de Clément Salzard, réalisée par Séverine Cassard. L'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi moi je dis ce que je dois. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant d'écrire, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vanna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, Twitter et même Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Le Chapeau, un film d'animation de Michel Cournoyer qui met en scène les souvenirs d'une victime de viol. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, se défendre. Mais en attendant, restez à l'écoute.